Chapitre 19e. Là s'arrêtait brusquement le manuscrit de B. Mascaro. Paul Violaine posa sur la table le volumineux cahier en disant d'un air assez surpris « Et c'est tout ». Il était grand temps d'ailleurs qu'il arrivât à la fin. Sa voix, brisée par la fatigue, expirait avec les dernières lignes. Malgré la rapidité de son débit, il n'avait pas fallu moins de 6 heures pour lire cette longue et lamentable histoire des misères, des folies et des crimes de l'illustre maison de Chandos. En tout, il ne s'était reposé qu'un quart d'heure, et encore devait-il ce répit à Beaumarchef, qui était venu appeler l'honorable placeur pour une affaire de l'agence qui ne souffrait ni remise ni retard. Il est vrai que l'attention la plus sévère et la mieux soutenue l'avait encouragé. Ni maître Catnac, ni l'excellent docteur Hortebise ne s'étaient permis une observation. Il n'avait pas hasardé un geste. B. Mascaro, lui, avait écouté avec l'apparente satisfaction d'un auteur qui se délecte de son ouvrage. Mais en réalité, pendant que renversé sur son fauteuil, il tournait bénignement ses pouces, il guettait d'un œil sagace, par-dessus ses lunettes, l'effet produit sur le visage de ses associés. Cet effet fut considérable et tel qu'il l'avait espéré. Le récit était achevé depuis un bon moment, que Paul, Catnac et Hortebise se regardaient encore avec une stupeur qui n'était pas exempte d'effroi, chacun d'eux s'efforçant de résumer rapidement par la pensée les circonstances qui l'avaient le plus frappé. Tous se demandaient pour quelles raisons B. Mascaro s'était arrêté court au moment de conclure et de tirer les conséquences. Catnac, dont la position dans la société était si fausse, fut le premier qui parvint à secouer l'atmosphère de vague appréhension qui régnait sur le bureau de l'agence de placement. « Hé hé !» fit-il avec un petit rire contraint. « J'avais toujours dit que notre ami Baptistin était né pour les lettres. » Prend-il la plume ? Aussitôt le placeur s'évanouit et l'agrégé reparaît. Il nous avait promis quelques notes, un mémoire à consulter, il nous sert un roman. Le digne monsieur Hortebise observait l'avocat d'un œil méfiant. « Crois-tu vraiment que ce soit un roman ? Interrogea-t-il. « Pour la forme, du moins. » Le docteur haussa les épaules. B. Mascaro, pendant ce temps, s'est élevé et adossé à la cheminée. Il rajustait ses lunettes, de ce mouvement familier qui, de sa part, annonçait toujours quelques explications décisives. « Mieux que tout autre, » commença-t-il d'un ton ironique. « Catnac devait apprécier et goûter ce qu'il y a de réel dans ce récit. Lui, qui est l'homme d'affaires, l'avocat, le conseil du noble duc de Chandos, c'est-à-dire de ce Norbert dont je viens de vous lire la jeunesse. « Oh, je ne conteste pas le fond, » fit vivement Catnac. « Que contestes-tu donc ? Sérieusement, rien. Je me suis permis de plaisanter la forme un peu, comment dirais-je, un peu romanesque, voilà tout. Serait-ce un crime ?»« Non, » répondit froidement le placeur. « Dans ta position, ce n'est qu'une sottise. » Toutes les fois que Catnac s'attirait quelques coups de boutoir du maître, le bon docteur était aux anges. « En poche, avocat, » dit-il. Mais B. Mascaro n'était pas d'humeur à plaisanter. « Catnac, » reprit-il d'un ton qui n'était rien moins qu'amical, avait reçu quelques confidences importantes de son noble client. Il s'est bien gardé de nous les communiquer. Dans son opinion, d'après ce qu'il savait, nous courions à notre perte, et il nous regardait y courir, cet estimable ami, tout réjoui de l'espoir d'être débarrassé de nous. L'avocat voulut protester, mais le placeur d'un geste l'arrêta. Après une pause calculée, l'honorable professeur continua. « Un os suffit à un anatomiste pour reconstruire le squelette d'un animal. Je serais, moi, un piètre observateur si, déduisant du connu à l'inconnu, je n'étais pas capable de rétablir l'histoire exacte de gens que j'étudie et que j'observe depuis tant d'années. » « Croyez pourtant que je n'ai pas eu à faire de grands frais d'imagination. Mon manuscrit n'est guère qu'un travail de marqueterie. Même, ce n'est pas à moi qu'il faut s'en prendre de la forme un peu romanesque, mais bien à Madame la Comtesse de Mussidan, à Madame Diane. »« À Madame de Mussidan ? Mais oui, ami Catnac, et aussi à Norbert. Je suis sûr que les phrases qui t'ont frappé étaient d'eux, car je les ai copiées. C'est avec leurs propres expressions que je traduisais leurs sentiments. Cela t'étonne ? Il me semblait... « Quoi ? Tu as donc oublié la correspondance soustraite à la comtesse de Mussidan ? C'est une femme soigneuse. Elle avait conservé non seulement les lettres de Norbert, mais encore les siennes propres que Norbert lui avait rendues. Et nous les avons, toutes. Nous avons saisi du même coup les demandes et les réponses. Tout un roman d'amour par lettre et un fameux roman. Ce qu'on vous en a lu n'était qu'un résumé affaibli. » L'excellent Hortebise eut un geste d'admiration. « Maintenant, s'écria-t-il, je comprends les terreurs de Madame de Mussidan. Et moi, Baptistin, qui t'accusais d'imprudence ? Oui, tu as raison. Avec de telles armes entre les mains, nous pouvons tout oser. Madame de Mussidan donnera la main de sa fille Sabine, à qui nous voudrons. » Bébé Mascaro n'avait pas le temps de s'arrêter à ce petit triomphe. « Ce n'est pas tout, » reprit-il. « J'avais, pour m'expliquer les passages obscurs, l'instigateur de toute cette intrigue, Domane. Le président, il vit ? Parfaitement. C'est un homme à nous, et tu le connais, dame. Il n'est plus de la première jeunesse. Il est un peu cassé, la jambe traîne, la vue baisse, mais la cervelle est intacte. » Catnac était devenu fort sérieux. « Tu m'en diras tant, » murmura-t-il, tout abasourdi. « Tu m'en diras tant. » « Je te dirai encore que toute la partie du duel et de la mort de ce brave et digne Georges de Croisenois a été écrite presque sous la dictée de Caroline Chimel. Véritablement, cette malheureuse se proposait, en quittant Paris, de rejoindre son parent en Amérique. Elle n'alla pas plus loin que le Havre. Les grâces et les doux propos d'un galant matelot dont elle avait fait connaissance en voiture changèrent brusquement toutes ses résolutions. Tant que dura l'argent qui avait été donné par Jean, le matelot fut le plus aimable des hommes. Seulement, avec le dernier billet de 1000 francs, il disparut. Désespérée, réduite à la plus ignominieuse des misères, Caroline revint à Paris. Elle mourait de faim. Elle s'adressa au duc de Chandos. Il se sentait pris, il la secourut, et à 4 ou 5 reprises, il essaya de lui assurer une petite position. L'inconduite de Caroline rendit vaines toutes les tentatives. À la fin, le duc s'est résigné à se laisser rançonner au jour le jour, acceptant peut-être cette honte comme une expiation. Quant à Caroline, son existence est inimaginable. Parfois, prise de remords, elle cherche une place et travaille 8 jours. Mais bientôt, ses habitudes vagabondes reprennent le dessus et elle court demander de l'argent à l'hôtel de Chandos. Et cependant, elle a toujours fidèlement tenu son serment. Et sans sa funeste passion pour les petits vers, je doute que Tantet n'eût jamais réussi à lui arracher une parole. B. Mascaro paraissait parler pour soi bien plus que pour ses estimables associés. On lui dit préoccupé surtout de combattre certaines objections de son esprit. « À coup sûr, » poursuivait-il plus bas, « Caroline Chimel n'est pas une nature instinctivement mauvaise. Le secret qu'elle a surpris lui a porté malheur. C'est tout cet argent qu'elle se procurait si facilement qu'il a perverti. Tel que je la devine, si au réveil elle se souvient des confidences qui l'ont été arrachées par l'ivresse, elle est fille à aller à tout risque prévenir le duc de Chandos. » Cette éventualité ainsi présentée fit bondir Catnac sur sa chaise et lui arracha un juron. « 10 000 diables, mais alors ?» Le digne placeur haussa dédaigneusement les épaules. « Te voilà encore, » fit-il d'un ton dédaigneux, « à te forger des fantômes. Il appelle ça des fantômes. Certainement. Serais-je tranquille comme je le suis si j'entrevoyais l'ombre d'un péril ? Voyons, franchement, que nous importe ce que peut dire Caroline ? Qui accusera-t-elle de lui avoir escamoté son secret ? Un vieux clerc d'huissier nommé Tantaine. Or, comment veux-tu que le duc, ton noble client, trouve le trait d'union entre ce misérable bonhomme et l'honorable maître Catnac ? Ce serait difficile, en effet. Dit impossible, insista Hortebise. Sans compter qu'à la moindre alarme, nous faisons disparaître le doux Tantaine plus prestement qu'un diable de ferry dans une trappe. Et on ne le retrouverait pas dans les dessous, lui. D'un signe de tête amical, B. Mascaro approuva l'excellent docteur. « D'ailleurs, ajouta-t-il, je me demande vainement ce que nous pouvons avoir à redouter du duc de Chandos. N'est-il pas en notre pouvoir tout autant que son ancienne adorée, la comtesse de Mussidan ? Il me semble que nous avons ses lettres. Ne savons-nous pas ce qu'on trouverait si on grattait au fond de son jardin ? Et notez que l'identité du squelette serait des plus aisées à établir. Croisenois avait sur lui, quand il disparut, 1 000 000 de francs en pièces d'or portugaises. Le fait est consigné au procès-verbaux de l'enquête qui eut lieu alors. Il était facile de reconnaître à la physionomie de Catnac que ses dispositions changeaient du tout au tout à mesure que l'impunité lui était démontrée. « Vous êtes là que vous me prêchez, » fit-il avec une brusquerie affectée, « comme si je n'étais pas à votre discrétion. Ne faut-il pas que je marche avec vous, bon gré mal gré ? Nous tenons à ce que ce soit de ton plein gré. » L'avocat parut délibérer 1 minute, puis se levant brusquement, il tendit la main à l'honorable placeur. « J'agirai loyalement, tu as ma parole. Expose-nous ton plan, je te dirai ensuite ce que M. de Chandos m'a appris. » Un sourire de satisfaction vint aux lèvres de B. Mascaro. Enfin, il l'emportait. Cette fois, il ne mettait nullement en doute la franchise de l'avocat. « Avant tout, reprit-il, je vous dois la fin de l'histoire que Paul vient de vous lire. Elle est simple et lamentable. » Le duc et la duchesse de Chandos n'avaient pas 50 ans à eux deux. Ils portaient un des noms historiques de France. Ils étaient entourés d'un luxe princier. Et cependant, leur vie était perdue, finie. Tout était mort en eux. Ils renonçaient à l'espoir même du bonheur. Leur ménage dut être un enfer. Mais ils s'appliquèrent à sauver les apparences et réussirent. Rien ne transpira au dehors des effroyables misères de leur intérieur. La duchesse, presque toujours alitée, ne s'occupait que d'œuvres de charité. Le duc, lui, après avoir refait son éducation, s'est réfugié dans le travail et est devenu l'homme remarquable que vous connaissez. « Et Madame de Mussidan ?» interrogea Catnac. « J'y arrive. Cette femme, d'une si étrange perversité, ne se serait pas cru vengée complètement si Norbert n'eût pas su que c'était à elle et à elle seule qu'il devait le désespoir de son existence. Un jour, à son retour d'Italie, elle osa tout apprendre à Norbert. Oui, elle osa lui dire que c'était elle qui avait comme poussé la duchesse dans les bras de Croisenois. Elle lui dit que c'était elle qui, avertie du rendez-vous, avait écrit la fatale lettre anonyme. « Il ne l'a pas tuée ?» s'écria Hortebise. L'honorable placeur modula du bout des lèvres un petit sifflement des plus significatifs. « Il n'a pas touché un cheveu de sa jolie tête, » répondit-il. « Oh, à sa place ?»« À sa place, docteur, tu te serais tu comme lui. N'avait-elle pas toutes ses lettres ? Elle en a menacé. Ah, elle a du poignet, la jeune dame. Et nous n'avons pas le monopole du chantage. Qu'avez-vous à me regarder ainsi ? Vous doutez ? Rien n'est pourtant si vrai. Cette noble comtesse a fait chanter monsieur le duc de Chandos comme une simple coquine. Vous savez sa vie dissipée, ses prodigalités, son désordre. Quand elle est par trop gênée, c'est à Norbert qu'elle s'adresse. Il n'y a pas encore 10 jours, elle lui a emprunté 10 000 francs pour apaiser Van Kloppen. Véritablement, les associés de l'agence étaient confondus. « Quelle femme !» murmurait l'excellent docteur. « Quelle femme ! Et moi qui la plaignais de tout mon cœur. Le jour où je suis allé lui mettre le pistolet sur la gorge. » D'un geste, B. Mascaro lui imposa silence. Il est temps d'en finir avec le passé. Parlons un peu de cet enfant de la Fouche Rousse, mis au lieu et place de l'enfant de l'infortunée duchesse, et présenté dans le monde sous le nom de Gontran de Chandos. Tu as dû le connaître, docteur. Je l'ai vu du moins plusieurs fois. C'était un fort joli garçon, en effet. Mais c'était aussi un déplorable garnement. Élevé comme un fils de prince, ce garçon avait les goûts et les mœurs d'un laquais, et s'il eût vécu, il eût infailliblement déshonoré le nom qu'il portait. Il faisait le désespoir de monsieur et madame de Chandos et les inquiétait horriblement quand, il y a 10 mois, à la suite d'une orgie, il fut pris d'une fièvre chaude et enlevé en 3 jours. Il mourut en demandant pardon à ceux qu'il croyait ses parents, et le duc et la duchesse oublièrent leur haine, mêlèrent leurs larmes et se réconcilièrent devant le lit de mort de ce malheureux dont la conduite avait été le plus horrible châtiment qui se puisse imaginer. De la coupable détermination de Norbert. B. Mascaro, le voyait, avait hâte de terminer. Lui, beau diseur d'ordinaire, car les railleries de Catnac n'étaient pas dénuées de fondement, il ne semblait s'inquiéter que d'abréger. Sur ces derniers mots, il eut un gros soupir de satisfaction et s'allongea dans son fauteuil en disant « Maintenant, arrivons à nos affaires. » L'attention de Catnac, du docteur et de Paul, lassée par une séance de plus de 6 heures, s'éveilla plus brûlante que jamais. On allait donc enfin livrer le dernier mot. Le fils de la Fouche Rousse mort, reprit B. Mascaro, le nom de Chandos était condamné à s'éteindre. C'est alors que Norbert, sollicité par sa femme, adopta l'idée qui lui était venue bien souvent de rechercher et de reprendre ce pauvre déshérité jadis déposé à l'hospice. Il lui était interdit, il en souffrait cruellement, de revenir sur ce qui avait été fait, mais il lui était toujours permis d'adopter un enfant et de lui léguer sa fortune et son nom. Il ne doutait plus de sa paternité. C'est le cœur gonflé d'espoir qu'il partit pour Vendôme, muni des indications nécessaires pour la reconnaissance. La plus affreuse déception l'attendait. On reconnut bien à l'hospice qu'un enfant avait été déposé le jour que disait Norbert, à l'heure qu'il indiquait, vêtu des langes qu'il dépeignait. Les registres en faisaient foi. On lui représenta même la médaille que portait autour du cou le petit abandonné. Mais cet enfant n'était plus à l'hospice, et on ne savait ce qu'il était devenu. à l'âge de 12 ans, et lorsque tout le monde était ravi de son intelligence et de sa gentillesse, il s'était enfui de l'hospice, et les plus actives recherches pour retrouver ses traces étaient restées inutiles. C'est avec un dépit fort mal déguisé que maître Catnac écoutait ces détails si étrangement précis. Décidément, ses associés étaient informés de toutes les particularités de l'affaire, aussi bien, sinon mieux que lui, qui cependant avait eu les confidences du duc, son client. Et lui qui comptait sur les précieuses indications qu'il fournirait pour racheter, et au-delà, ses traîtrises passées. Mais B. Mascaro ne voulut point voir sa contrariété. Déjà, il poursuivait son rapide récit. Ce nouveau malheur altéra le duc de Chandos. Il avait tant souffert depuis 20 années. Il avait été si cruellement éprouvé de toutes les façons. Il avait tant répandu de larmes secrètes qu'il croyait ses crimes expiés et que la justice divine à la fin était satisfaite. Après les misères et folies de sa jeunesse, les regrets cuisants de son âge mûr, il lui avait semblé entrevoir pour sa vieillesse le calme et le repos à défaut du bonheur et, pas du tout, il avait été écrasé du sentiment de l'irréparable. Précipité de toute la hauteur de délicieuses espérances, du plus profond de son abîme, le choc fut si rude qu'il faillit être brisé sur le coup. Il était vieilli de 20 ans lorsqu'il revint annoncer à la duchesse qu'il attendait, palpitante, agonisante d'anxiété, que tout était fini, que Dieu ne l'avait pas pardonné, qu'ils étaient bien condamnés sans appel. Cependant, au bout de quelques jours, remis un peu de l'horrible secousse, il réfléchit et jugea que s'abandonner serait une coupable lâcheté. De ces longues et douloureuses méditations jaillit une lueur petite certes et chétive, mais enfin une lueur qui rompait la désolante uniformité de ses ténèbres. Qui l'empêchait de se mettre à la recherche de ce pauvre abandonné, et pourquoi ne le retrouverait-il pas? Certes, le monde est immense, et un malheureux sans nom, sans fortune, échappé d'un hospice d'enfants trouvé, y est un imperceptible atome. Mais avec du temps et de l'argent, on accomplit des miracles. Or, il avait à donner lui sa vie et sa fortune. Sa situation était telle que par ses grandes relations, il pouvait intéresser à ses investigations toutes les diplomaties. Il possédait assez de millions pour qu'il lui fût facile de prendre sa solde et d'organiser en une armée dévouée à ses desseins les plus habiles et les plus intelligents agents de police de l'Europe. Qu'il réussît ou non, c'était un devoir qu'il allait remplir. Cette tâche serait désormais l'aliment de son activité et le but de sa vie. Il se jura qu'il ne s'arrêterait, qu'il ne désespérerait que le jour où il aurait entre les mains les preuves indiscutables, matérielles, de la mort de son fils. Cependant, il ne confia pas son projet à la duchesse. Il redoutait pour elle les alternatives qu'il prévoyait de crainte et d'espérance. La santé de la malheureuse femme était si profondément ébranlée qu'une déception, une fausse joie, pouvait la tuer. Ainsi déterminé, il devait commencer et commença, en effet, par s'adresser à cette providence au petit pied qui, du fond de la rue de Jérusalem, surveille le jeu de la machine sociale. Mais la police n'apprit absolument rien à M. de Chandos. On lui répondit « C'est bien, nous prenons note, on verra, repassez dans un mois, et bonsoir. » Il faut dire que sa position particulière, le passé qui lui était interdit de remuer, lui imposait une réserve extrême. Il ne dit pas la vérité, présenta mal l'affaire, bref, n'intéressa nullement. C'était joué de malheur car on l'avait adressé à un paroissien assez adroit, en grande réputation à la préfecture, qui est le voisin de notre ami Martin Rigal, un certain Lecoq. À la grande surprise de Paul, ce nom seul fit au digne M. Hortebise juste l'effet d'un coup de fouet bien cinglé dans les jambes. Il porta machinalement la main au médaillon pendu à sa chaîne de montre et se dressa, pâle et effaré. « Halte !» fit-il d'une voix étranglée. « Si ce Lecoq est de la partie, je retire ma mise, rien ne va plus. Charlemagne, je file. » Sa panique était si singulière que Catnac daigna sourire. « Hé hé !» fit-il. « Je comprends ton émotion, docteur, mais rassieds-toi, Lecoq n'en est pas. » Cette assurance ne suffit pas pour rassurer l'excellent Hortebise. Il resta en suspens, un pied en l'air, interrogeant B. Mascaro du regard. « Il n'en est pas !» affirma le placeur en appuyant sur chaque mot. « Ce drôle, qui est capricieux comme une jolie femme, a répondu que sa situation lui interdit de s'occuper de recherches particulières, ce qui est vrai, et que de plus, l'affaire ne serait pas dans ses moyens. Le duc lui a offert une somme considérable s'il voulait quitter sa place. Il a refusé, sous prétexte qu'il ne travaille pas pour de l'argent mais pour l'art. « C'est pourtant vrai, » approuva Catnac. « N'importe, » murmura Hurtbise en jetant à son médaillon des regards funèbres. « N'importe. L'idée seule qu'on a consulté ce Lecoq me bouleverse. Parce que... Tu ne vas pas aussi, toi, croire qu'il est sorcier. Il n'est pas plus malin que les autres. Il entend mieux la réclame, voilà tout. Bref, c'est sur le refus de Lecoq que M. de Chandos s'est adressé à Catnac, lequel l'a mis en rapport avec Perpignan. Est-ce bien tout ? L'avocat se leva. C'est tout, répondit-il. J'ajouterai seulement, mais vous devez le savoir, que le duc m'a chargé de surveiller les gens qui vont entreprendre ces recherches. Avez-vous un plan ? Pas encore. La consigne du duc est celle-ci. Réussir quand on devrait interroger tous les citoyens du globe l'un après l'autre. Il y a de la marge, comme vous voyez. A-t-on commencé les opérations ? Pas encore. Le duc seul, jusqu'ici, est allé à Vendôme, qui sera le quartier général, sans aucun doute. Nous devons nous y rendre au premier jour. Très bien. D'ailleurs, ajouta Catnac en haussant les épaules, je suis de l'avis de Perpignan. L'entreprise est parfaitement insensée. Le coq dit le succès possible. Il le dit en effet, mais s'il le pensait, il se chargerait de l'affaire. Depuis un moment, B. Mascaro souriait doucement tout en tracassant ses lunettes. « Eh bien moi, déclara-t-il, j'ai été du premier coup de la vie de Lecoq. Hein ? C'est pourquoi je me suis mis en campagne. Toi, tu es allé à Vendôme, tu as... Que t'importe ? J'ai cherché, et à cette heure je sais où prendre l'unique héritier de la maison de Chandos. » Catnac ouvrait des yeux immenses. « Tu plaisantes sans doute, » balbutia-t-il. « De ma vie, je n'ai parlé si sérieusement. J'ai trouvé. Seulement, comme il est impossible que je paraisse, c'est à toi et à Perpignan que je réserve le bonheur de rendre cet enfant à son père. Et c'est vous seul qui palperez la magnifique récompense que ne manquera pas d'offrir le duc. Ainsi, traité à forfait, convenez bien des conditions. » L'avocat ne revenait pas de sa surprise. Son regard ahuri allait alternativement de Mascaro à Hurtbise et même à Paul Violaine. Il semblait vouloir s'assurer qu'on ne se moquait pas de lui. « Tu ne veux pas paraître, » dit-il enfin à son associé, d'un ton soupçonneux. « Pourquoi ? Tu flaires donc un danger ? Ne me tendrais-tu pas un piège ?» L'honorable placeur haussa les épaules. « D'abord, je ne suis pas un traître, moi, tu le sais. Ensuite, notre intérêt nous répond de ta sûreté. » Un nous peut-il être compromis sans que les autres le soient? Non, évidemment. D'ailleurs, la simplicité de ton rôle te rassurera. Tu n'auras rien à faire qu'à indiquer le commencement de la piste. Les autres la prendront et la suivront après. À leur risque et péril, tu seras, toi, parfaitement dégagé. Cependant, Bébé Mascaro, à bout de patience, fronçait terriblement les sourcils. En voilà assez, fit-il d'un ton bref et dur. Il ne s'agit plus de discuter, mais d'agir. Je suis le maître, n'est-ce pas ? Quand ce diable d'homme parle ainsi, résister, c'est perdre son temps. Comme il faut toujours finir par en passer par où il veut, le plus court est encore d'obéir. Catnac garda le silence, fort humilié intérieurement, mais encore plus intrigué. « Assieds-toi à mon bureau, maître, » reprit Mascaro, « et note scrupuleusement ce que je vais te dire. » Le succès, je te l'ai dit, est certain, mais encore faut-il que je sois secondé. Tout dépend de ton exactitude et de la précision de tes mouvements. Une fausse manœuvre peut tout perdre. Te voilà prévenu.